attends. J'ai pris demain mon rêve. Je l'embrasse à chaque instant, à chaque seconde qui s'achève. Je n'ai que faire de tous vos rires. Je ne m'en remets qu'à mes désirs. Nul ne pourra me faire front, ni la rue, ni les démons. Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Je m'en remettrai toujours au cri de notre mère. Qui êtes-vous pour me faire taire? Qui êtes-vous, très cher? Quoi faire?